بسم الله الرحمن الرحيم. سندخل اليوم في المسألة التسعين، 90 مسألة، في قوله تعالى: فقال يا ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. Dans le sens où Allah dit à propos de Nuh qui dirait: Ô mon Seigneur, mon fils fait partie de ma famille et que ta promesse est vérité. Verset 45, Surat Hud. Lorsque Allah fit descendre le déluge sur le peuple de Nuh et que son fils lui fut noyé. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هذه الآية الكريمة تدل على أن هذا الابن من أهل نوح عليه السلام، وقد ذكر تعالى ما يدل على خلاف ذلك حيث قال: يا نوح إنه ليس من أهلك. Donc ce noble verset dans son apparent démontre que ce fils fait partie de la famille de Nuh عليه الصلاة والسلام. Alors que Allah عز وجل a cité le contraire de cela lorsqu'il a dit: Ô Nuh, il ne fait pas partie de ta famille. Verset 46. قال. Donc là, on a comme une forme de contradiction. قال الجواب أن معنى قوله ليس من أهلك أي الموعود بجناتهم. الموعود بنجاتهم. في قوله لنجينك وأهلك لأنه كافر لا مؤمن. Donc la réponse c'est que le sens lorsqu'il dit qu'il n'est pas de ta famille, c'est-à-dire ceux à qui le secours a été promis. Ceux à qui la sauvegarde et le secours a été promis. Dans le sens où Allah il a dit que nous allons certes te sauver toi et ta famille. Car lui c'est un kafir, ce n'est pas un croyant. قال وقول نوح إن ابني من أهلي يظنه مسلما من جملة المسلمين الناجين كما يشير إليه قوله تعالى فلا تسألني ما ليس لك به علم. Donc lorsque Nuh dit mon fils fait partie de ma famille, c'est comme s'il pensait muslim. Quand même, comme il fait partie des croyants. Des muslims qui seront sauvés. Comme l'indique la parole d'Allah dans le sens où il dit: ne demande pas ce dont tu n'as pas de science. Verset 46. C'est-à-dire que lorsque Nuh a dit cela à propos de son fils, Allah Azza wa Jalla le dit: ne me demande pas, ne m'interroge pas à propos de ce que tu n'as pas de science. قال وقد شهد الله أنه ابنه حيث قال ونادى نوح ابنه. Et pourtant Allah a déjà attesté qu'il est son fils du fait qu'il est dans le sens et lorsque Nuh appela son fils. Verset 42 sur la Hud. Donc il a attesté que c'est son fils et de l'autre côté il dit que ce n'est pas son fils. Du moins il n'est pas parti de sa famille plutôt. قال إلا أنه أخبره بأن هذا ابن عمل غير صالح لكفره فليس من الأهل المعود بنجاتهم وإن كان من جملة أهل من الأهل نصبة. Donc en fait, il a bien dit que son fils est un kafir, n'a pas des œuvres pieuses. Donc, bien qu'il soit son fils, il fasse partie de sa descendance, c'est-à-dire son fils naturel, Allah Azza wa Jalla l'a attesté, mais parmi sa famille de ceux qui seront croyants, qui seront sauvés, il n'en fait pas partie. هذا هو الجواب في هذه الآية والله تعالى أعلم وسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك